assez pour t'écrire. Bien que ta voix résonne autour de moi, un téléphone pour te séduire. J'ai bien peur que ça ne suffise pas. Regarde en l'air le vide entre toi et moi. Je te perds sous la terre, un satellite j'en ai pas. Maudit voyage, vous provoquez les orages. Moi seul à Paris, et voilà que ce point de l'ennui. Si tout fout le camp, est-ce la faute au temps? C'est moi qui ne suis pas, je suis à l'envers, à l'endroit. T'as pris courant, quatrième dimension, je te retrouve pas. Fais attention à tes souvenirs. Prends-en bien soin, range-les, tout s'en va. Moi je te gardais, mais la petite fille n'est plus là. Je vais m'en aller, au revoir grand-mère, je reste pas. Je voulais jouer, mais il n'y a plus de place pour moi. T'as rajeuni mon vieux pays, moi je vieillis. Si tout fout le camp, est-ce la faute au temps? Là-bas.